bonsoir et bienvenue dans une nouvelle émission des Bonnets Rouges, au sein de laquelle on fera un petit retour sur le Revolution Fest qui a eu lieu la semaine dernière, notamment avec différentes interviews des groupes présents sur place. Too much. Et l'on vient de s'écouter un morceau de NoFX issu de leur album Self-Untitled et intitulé Down With The Ship. Et juste avant, c'était le groupe Uncommon From Mars avec le morceau The Only Way To Make It Through The Day issu de l'album Easy Cure. Et comme je l'ai dit plus tard dans l'émission, en deuxième partie d'émission, on s'écoutera une première interview de hors contrôle qu'on a pu faire au Revolution Fest avec notre ami Camarade B qui suivra avec d'autres interviews dans des groupes alors présents samedi soir. Et donc ces interviews là on les retrouvera dans les entre 21h et 23h dans son émission. Moi je me contente juste d'une interview de hors contrôle dans la seconde demi-heure, et d'ici là en tout cas on va s'écouter de la musique et ça commencera, enfin non, ça a déjà commencé, mais on va continuer avec un gros bloc de groupe allemand. On va s'écouter Brawlers avec le morceau Wer wird uns retten, issu de leur album Lofi. Ce sera suivi d'Opération Semtex avec le titre Trainen aus Gold, issu de l'album Vorstadt Anekdoten, puis de Lauf de Freibeuter Edgy et de Break Free de Produzent der Freud. C'est ça, un bon petit bloc là pour les de groupe allemand, et je pense que ça fera plaisir à notre ami Camarade B qui devrait arriver un peu plus tard. Man nicht

like an animal in the cage. I'm wild and full of rage. Bonded to the ruined society. I gotta break loose, I gotta break free. Take the ride and right. Accept the fight and fight. There is no fun, no pain, no gain. It's every time the same. Break free. No need for society. Break free. It's your life, can't you see? Break free. No need for society. In schools, I don't need any law that tells you who you are. Take the ride and right, accept the fight and fight. There is no fun, no pain, no gain. It's every time the same. Break free. No need for society. Break free. It's your life, can't you see? Break free. No need for society. Break free. C'était Produce Thunder Freud, issu de l'album qui avait été fait en commun avec Prowlers et qui s'intitulait Montréal versus Stuttgart, et c'était le titre Break Free. Juste avant, c'était écouté Lauf de Freibeuter AG, issu de l'album Streffen und Klangen. Et juste avant, c'était Trainen aus Gold, Opération Semtex, et Verwirrt uns Retten de Prowlers. Et pour finir cette première demi-heure des Bonnets Rouges, on va s'écouter Atrocity Solution avec Watch the World Burn, issu de l'album Lost Remedies, et ce sera suivi de PBG de Kill Matilda, issu de l'album Punk, Zombie et Rock'n'Roll. We'll be right back. C'était lundi 13 avec le morceau Faute à vous issu de l'album Pour une raison indépendante de notre volonté. Et juste avant, c'était le Dans la nuit, morceau éponyme de l'album Dans la nuit de Mara Boots. Et on va continuer avec un morceau de Hors Contrôle qui s'intitule Sur les routes, issu du dernier album L'Union fait la force. Et ensuite, on va s'écouter l'interview qu'on avait pu faire moi-même en compagnie de notre ami Camarade B qui est arrivé il y a quelques instants d'ailleurs. Il vous racontera les petits soucis qu'il a eu en revenant, j'imagine. Et que dire de plus, à part que qu'après ce morceau finalement de Sur les routes de Hors Contrôle, on s'écoutera l'interview de Hors Contrôle, ce que je viens de dire, je me répète, je radote, et pourtant je suis pas si vieux que ça. On va voir ce que ça va donner quand les années vont venir. En tout cas, on va continuer en musique, dans les bonnets rouges. Une interview pour l'émission Skypunka et les bonnets rouges sur ces fous du groupe Hors Contrôle qui est, il me semble, c'est votre première tournée au Québec. Alors c'est la première fois au Québec, mais c'est pas une tournée, c'est une date unique en fait. Donc on est venu spécialement pour le festival cette année. On nous avait déjà proposé de venir l'année auparavant, mais c'était un peu compliqué pour nous de se libérer, donc j'accepte cette année que ça puisse faire. Donc voilà, date unique, on repart demain. Oh. Et comment s'est passé le voyage? Très bien. Baptême de l'air pour trois d'entre nous. C'est la première fois qu'on prenait l'avion, donc pas mal. Pour une première, pas mal. C'est pas un peu frustrant de rester si peu de temps finalement ici? Si, parce qu'on n'a pas eu le temps en fait de bien de réellement découvrir la vie à Montréal, ni les gens, tu vois, on les a vus hier soir, on était claqués, donc on n'a pas vu grand-chose. Aujourd'hui, on a fait une petite visite de Montréal, mais rapidement sous la pluie. Heureusement que c'était pas la neige. Ben ouais, donc, je pense qu'on reviendra pour une tournée les années prochaines. La majorité de vos chansons, c'est pas la totalité, sont en français, pourquoi? Parce qu'on est français. Non, et puis en France, on est très, très mauvais en langue étrangère, donc c'est plus facile pour nous d'exprimer en français, c'est notre langue maternelle. Bon. Au niveau de vos paroles, vous êtes très, très, très politisé, puis à la fois, vous parlez beaucoup des problèmes de la classe ouvrière. Est-ce qu'on pourrait savoir pourquoi? Bien, on est issu en fait d'une région, ancienne région minière. Okay. Donc on est tous issus du milieu ouvrier, voire du milieu minier. Nos grands-pères travaillaient dans les mines, plus ou moins, quoi. Et puis la culture minière est encore très ancrée dans notre région. Et c'est quand même notre ville, c'est multiculturel, quoi. Il y a eu des Polonais, des Portugais, des Italiens, des Espagnols. C'est multiculturel. Donc c'est important pour nous de faire perdurer encore pour les valeurs que représentait aussi le combat ouvrier qui a eu lieu à Montceau-les-Mines. Il y a eu les grandes grèves de Montceau-les-Mines, peut-être pas connues dans le monde entier, mais au moins en France. On voulait faire perdurer ça. Comme dans vos paroles, finalement. Voilà, exactement. Noir Combat, c'est le morceau le plus représentatif de notre vision de la classe ouvrière. Et donc, plus particulièrement du nord de la France, c'est de quelle ville exactement vous venez? Alors, on vient de Montceau-les-Mines, justement. Donc, c'est dans le centre de la France, c'est entre Lyon et Dijon. Voilà, centre-est. J'aimerais savoir, à l'origine, vous étiez deux. Qu'est-ce qui a fait que vous êtes passé à quatre membres maintenant? Au début, on démarrait avec une boîte à rythme, okay. À beatbox. Ouais. Et puis, à deux, c'était beaucoup plus difficile de composer des morceaux un peu plus, élaborés. Surtout avec une boîte à rythme où je ne suis jamais pris la tête à la programmer comme une vraie batterie. Mm-hmm. Vraiment, boum, tac, boum, tac, boum, tac, boum, tac, boum, voilà. Donc, la batterie a été la première chose qu'on a apportée au groupe, puisque pour nous, ça nous semblait quand même un peu plus vivant. Et, quelle année? 2006. Enfin, 2006, Yohann est arrivé, quoi. Ah, qui a dynamisé nos concerts et puis nous a aidé à composer des morceaux un peu plus élaborés. Okay. Et le deuxième guitariste, Philippe, donc, est arrivé il y a 2 ans et demi, bientôt 3 ans, maintenant. Et là, ça nous a encore ouvert un champ de composition et des lignes mélodiques qu'on pouvait faire en live. Alors que quand j'étais tout sur la guitare, je ne pouvais pas faire et la rythmique et la mélodie, ce qui faisait tomber des fois un petit peu l'énergie du morceau. Donc à 4, pour le moment, c'est pas mal. Donc ça vous fait le 2 albums studio avec 2 guitaristes? Non, un seul, ouais. Le dernier, là, de 2013, de guitare. J'aimerais savoir, quelles sont vos plus grandes influences? Musicales? Ouais. Wow. C'est divers et varié. Alors moi, je suis un gros fan de Lokemi, groupe allemand, je crois que c'est déjà venu ici, d'ailleurs, tu vois, il y a 2 ou 3 ans. Après, c'est varié, Johan, c'est autre chose, je pense. Ouais, non, moi, c'est plus punk 80 et tout punk anglais des années 80 aussi. Ok. Donc, punk français, punk anglais des années 80, essentiellement. Pas trop qui tord à l'heure actuelle, avec des énormes sons, pas trop mon truc, mais toute cette vieille classe punk des années 80, ouais, vraiment beaucoup. Ouais. Mais nos groupes, c'est la femme aux anciens groupes. Ah, je pense que, il n'y a pas vraiment de nouveaux groupes qui ressemblent aux anciens groupes. Ça, c'est uniquement dû aux techniques d'enregistrement d'époque. Hein, voilà. Il n'y a que les anciens groupes qui continuent de jouer et qui mieux. Voilà. Ouais. Il n'y a pas de renouvellement. Ouais, voilà. Enfin, pas trop. En Europe, c'est un renouvellement très compliqué de la musique. Open, c'est vraiment super compliqué, et au niveau des organisations et au niveau des musiciens eux-mêmes. Donc on ne trouve pas vraiment une continuité. Enfin, en tout cas, pour nous, il y en a forcément une, mais elle n'est pas assez poussive. Donc voilà. C'est pour ça que encore des vieux groupes européens qui datent de Matusalem sur nos scènes. Alors moi, ça fait plaisir parce que je suis assez fan. C'est vrai qu'il y a un manque cruel de jeunesse dans cette musique. En tout cas, un manque cruel de jeunesse, il y a des jeunes, bien sûr, mais des groupes qui tournent réellement beaucoup en Europe, c'est compliqué. Ben, c'est la même chose. Ah bon, c'est pas super rassurant alors. C'est beaucoup moins rassurant. La moyenne d'âge, je dirais, dans les 30 ans. Voilà, c'est ça, c'est même peut-être un petit peu supérieur en Europe, quoi. Et en définitive, c'est pas rassurant du tout, quoi. C'est une mauvaise nouvelle, donc, savoir qu'en Amérique du Nord, c'est un peu la même merde qu'en Europe. C'est pas bon, c'est pas du tout une musique qui meurt, quoi, mais c'est peut-être à nous aussi, anciens, à trouver des solutions pour faire tourner des jeunes groupes, je sais pas, enfin, il y a forcément des solutions quelque part, mais c'est vrai qu'il y a un manque, et ce manque-là, il va falloir trouver une solution, voilà. Il y a quand même des va-et-vient, un peu comme le rockabilly, ça avait disparu et puis c'est revenu. Ouais, c'est peut-être des vagues musicales, après disparaître, enfin voilà, il y a pas mal de combats qui sont lui, qui font que ça disparaît pas aussi facilement que ça, quoi. Mais un renouvellement, ouais, ça va être grand temps, ça va vraiment être temps de renouveler un petit peu les musiciens sur scène, vite, ouais. Un petit peu de fraîcheur dans nos films musicaux, ce serait pas mal, quoi. Ouais, c'est vrai. J'en suis persuadé, en fait. J'aimerais savoir pour vous quatre, au niveau des élections françaises, surtout de votre gouvernement, entre guillemets, socialiste, vous en pensez quoi? Et en même temps aussi, vous pensez quoi de la montée du Front National en France? T'en as pas déjà assez de m'entendre grogner pendant qu'il y a les morceaux que je diffuse dans les bonnets rouges? Non, pas encore. À les élections, on peut... Qu'est-ce qu'on peut penser des élections? Franchement, je ne sais pas déconner. Hollande socialiste, je crois pas. Sarko national socialiste. Voilà. Et Front National qui pointe le bout de son nez, donc plus que le bout de son nez maintenant. Qui fait une grosse percée. Et tout ça en récupérant un petit peu l'électorat déçu et de la droite et de la gauche, puisqu'il y a quand même des gens de gauche maintenant qui votent carrément Front National. Quoi. Donc... Il n'y a pas d'autres options ou quoi? Non, chez nous, on a une gauche de droite, une droite d'extrême droite, une extrême droite nazie. Okay. Donc en partant de ce principe, si tu veux, ça devient super compliqué, quoi. Donc nous, ça laisse guère de choix, si tu veux. Et là, je pense que c'est pas... Heureusement, ce qui devrait être à partie de gauche, comme les socialistes, en tout cas, ces socialistes-là font super mal à la gauche, quoi. Parce que c'est vraiment ce qu'on appelle chez nous, en France, on a une expression, on dit que c'est la gauche caviar. Et c'est la gauche caviar parce que c'est de la gauche de droite. Et aujourd'hui, on pratique de la gauche de droite, de la droite d'extrême droite et de l'extrême droite néo-nazie en France, Marine Le Pen et tout ça. Donc ça ne laisse pas guère le choix aux gens, quoi. Tu votes à droite ou à droite ou à droite ou à droite. Qui parti communiste? Il a été très très fort dans les années 80 et 90 en France. Assez fort, on va dire, pour exister. Aujourd'hui, on ne parle même plus de parti communiste en France. On parle de front gauche. Okay. Alors, c'est pour te dire, comme les gens qui sont ancrés à gauche ont besoin d'appartenir à une gauche, on appelle ça front de gauche, quoi. Et c'est presque un mot de combat, un mot de guerrier, quoi. C'est le front de gauche, mais tu n'entendras pas parler du... En tout cas, à l'heure actuelle, en 2014, le Parti communiste, c'est inexistant chez nous, quoi. Okay. Inexistant, alors qu'il a été très très fort au début des années 2000, quoi. La LCR, Ligue communiste révolutionnaire, c'est un parti pour les élections d'avant. Ils ont changé de nom parce qu'il y a le mot communiste. Déjà, ils ne veulent plus s'afficher comme ça. Donc voilà, c'est Front de Gauche, c'est, je ne sais même plus la LCR, c'est bon. Je crois qu'ils sont rentrés, je crois que c'est devenu la NPA, Front de Gauche, il me semble aussi. Ouais. Où, leur changement avait tellement mal fonctionné que ça s'est quasiment écrasé en plein vol. Voilà. Mélenchon qui a fait un grand numéro sans les élections, mais maintenant on ne l'entend plus. C'est parti. Ouais. Compliqué, quoi. Très compliqué, ouais. Je pense qu'il y a encore pas mal de gens qui se ressentent, on va dire, en partie communistes, mais qui, chez nous en France, on a eu, lors d'un deuxième tour, il y a plusieurs tours pour voter un président en France, Jean-Marie Le Pen, qui a réussi à passer et ça aurait pu faire très très mal. Et du coup, on a beaucoup de vrais gauchos, qui vont plus voter dans les petits partis, qui vont ramener 1 ou 2% de peur, de peur de sacrifier des partis plus gros comme le Parti Socialiste par exemple, qui vont pas peser face à un Front National, quoi. Et le danger il serait là, c'est pour ces gens-là de voter ces petits partis et d'en oublier qu'en face, il y a un loup qui rentre dedans et qui lui est prêt à tout dévorer. Et là, on l'a fait une fois. Je sais pas si ça a servi de leçon, quoi, mais depuis, c'est vrai que les petits partis sont vraiment très petits, voire inexistants. Et je pense que c'est l'une des raisons en tout cas, quoi. C'est cette peur. Chez nous, le Front National est assez fort, mais je pense que la majorité des gens, et heureusement, ont encore peur du Front National Et pas, en tout cas, nous, on l'espère vraiment, quoi. On ne peut pas tous être cons, c'est pas possible, quoi. Enfin, ça ne peut pas passer, enfin, c'est pas... C'est clair que musicalement parlant, en France, la gauche est très active, quand même. Ah oui, alors, même le milieu artistique, d'une manière générale, ça ne touche pas que la musique. Ça touche la musique, ça touche le cinéma, ça touche, on va dire, la grande majorité des artistes restent quand même relativement de gauche, quoi. Alors, je sais pas, c'est ancré en France, ça pourrait... était un petit peu comme ça et ça reste comme ça. Mais bon, malheureusement, ça ne représente pas non plus une masse de population vraiment assez forte pour tout être significatif. Donc, que les... Après, c'est les messages qui sont passés à la population, les gens font ce qu'ils en veulent. C'est ça, c'est un peu tout, quoi. Mais si ça évite pas un coup que le Front National arrive au premier rang, il ne faudrait pas. Il ne faut pas, non. Il ne faut surtout pas, non. Non, mais puis là, en Europe, c'est pas. Je parle de la France, mais c'est une généralité sur l'Europe, quoi. Nous, bon, c'est l'Union Européenne, en plus, quoi, et une tendance progressive de l'extrême droite, quoi, d'une manière générale, c'est la France, ouais, mais il y a pire, il y a la Grèce, quoi, où là, c'est même directement des affiches néo-nazis, il y a la Grèce, il y a l'Italie, il y a l'Autriche, enfin, on arrive même à avoir des députés, ça fait mal, quoi, la Hongrie, bien sûr, l'Espagne, qui sent une vieille... des rancœurs, on ne sait pas trop pourquoi, là, franchiste. Donc ça fait assez peur, quoi, mais c'est l'Europe qui est en... Le fait de traverser cette crise économique, là, qui nous contraint vraiment comme un boulet, quoi, voilà, quoi, ça rappelle les vieilles années, quoi, ça rappelle un peu l'avant Deuxième Guerre mondiale, où les pays en crise qu'ont traversé, là, ces fortes crises économiques, sont mis à progresser directement sur les extrêmes, et là, l'extrême droite, elle est... Et en train de se nourrir de la crise, quoi, ouais. Ça, c'est certain. En Europe, c'est comme ça que ça se passe. C'est pas uniquement en France. Quoi. Voilà. Dangereux. Très dangereux. Avant qu'on quitte, j'aimerais savoir, ce soir, est-ce que vous prévoyez faire des nouvelles pièces? Ou vous en avez où vos plus récentes sont celles qui se retrouvent sur votre plus récent album, L'Union fait la force? Non, c'est un mix de tous les albums. Yeah. En fait. Voilà. 22 chansons qui vont... Bon, un peu le tour de tous les albums qu'on a fait depuis 14 ans maintenant. Ouais, un petit peu de tout. Pour vos plus anciennes pièces, j'imagine qu'elles sont retravaillées maintenant. Ah oui, parce que la batterie a apporté beaucoup. La deuxième guitare aussi, puisque Philippe nous a posé des petites mélodies où il n'y en avait pas avant. Il y a des morceaux, comme ce qui est une attitude qui ont complètement changé en fait. Okay. On la joue toujours. Mais alors voilà. Elle a explosé en vol et maintenant c'est une nouvelle chanson en fait. Okay. Avec les mêmes notes. Les mêmes paroles. Les mêmes paroles. Ouais. Bah, elle a été modifiée au niveau de la mélodie, au niveau du chant, au niveau de... En gros, voilà. C'est bon. Adrien, qu'est-ce qu'on a rajouté? Non, rien de plus. Hein. Bon ben, on vous souhaite une très bonne soirée. Ah, merci. Et un plaisir de vous revoir ici. Un plaisir. À la prochaine. We'll be right back. C'était Camarade de Hors Contrôle, issu de leur album, de leur dernier album en date, tout simplement intitulé L'Union fait la force. Et c'est ça. Et puis juste avant, c'était écouter la petite interview qu'on a pu faire avec eux. Et puis il nous a livré un super show après le soir même. Et puis très bon choix. Ouais. Avec vraiment, comme ils l'ont dit, 22 pièces. Il était proche de 3 heures du matin quand ça finit. Ouais, et puis c'était vraiment claqué parce que, comme ils l'ont dit, ils étaient arrivés le vendredi, c'était pris 6 heures de décalage horaire, et ils jouaient le samedi soir et repartaient le dimanche. Ils ont commencé, ils étaient équivalents de 7 heures du matin en France, là, donc c'est comme si et tu te vraiment... levais pour aller bosser, qui commençait à jouer là seulement. Là. Ouais. Et c'était vraiment rempli ras-le-bord. Bah, c'était sold out. Hein. Ouais. Ouais, puis il y avait encore du monde d'or en plus. C'était vraiment bon, ouais. Bon là comme ouais. Show là. Bah, j'espère qu'on va les revoir au Québec prochainement là, c'est tout ce qu'il y a ouais. À dire. Et bon, on va aller pour les bonnets rouges, on va se quitter hein. Enfin même si je risque encore d'être là à dire des conneries après dans l'émission de Sky Punk. Des conneries, ah ouais. Ouais, comme je dis souvent dans ton émission. Ah ouais. Mais comme tu fais la même chose dans la mienne, c'est correct. C'est ça, on va se retrouver la semaine prochaine. Ah ouais. Ouais, pour notre émission des bonnets rouges. C'est bon. Et comme on n'a pas eu assez de Hors Contrôle, bah on va s'écouter une reprise de Hors Contrôle. Le morceau Bonne Soirée, interprété par Bastard Dogs sur l'album Pour la Vie. Donc c'est Bastard Dogs avec une reprise de Hors Contrôle. Yeah. Ça s'intitule Bonne Soirée. C'était bien pour finir une émission, tiens. Oui, puis après ça, ne manquez pas. Bonne soirée en compagnie de Skypunk Kai, l'animateur vedette de cette émission, Camarade B. Ah ouais, c'est lui ça. Ok. Vedette, puis, là, je ne sais pas trop. Là, puis mais, plein d'autres. Puis trois autres entrevues que vous allez avoir, qu'on a faites la semaine passée. Ouais. Ouais. Au Revolution Fest. Un bon festival d'ailleurs. Fest. Oui, arrête de dire Revolution Fest. Ouais.